On y va. Chers auditeurs, le CSA veille sur vous et il me faut vous rappeler que la consommation d'alcool est mauvaise pour le gosier et qu'il faut tâcher d'en boire avec modération. Allez à table ! Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table ! Les mots à la bouche. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau des mots à la bouche. Dans une chaleur accablante, nous allons chauffer davantage l'atmosphère et célébrer le feu. Car ce soir, j'ai à mes côtés Hubert Boukhara, qui fut un intime de Joseph Kessel. Kessel, l'immense romancier et l'empereur du journalisme. Bonsoir Hubert, et un grand merci d'être venu. Bonsoir. Et Hubert, vous nous évoquerez également vos dîners rocambolesques avec Jean Seberg et Romain Gary, rue du Bac. Mais les mots à la bouche, ce n'est pas que de la littérature, vous le savez, puisqu'on y mange et qu'on y boit. Et ce soir, évidemment, nous allons célébrer la Russie, qui est la mère patrie de Kessel et de Romain Gary. Alors au menu, écoutez bien, caviar et vodka glacé, puis pour attiser encore plus la discussion, tartare de bœuf et vin naturel. À mes côtés, pour vous servir, Robin Lewis et Théo Torrechilas de la revue Saveur, mais aussi un autre invité de marque en la personne de Grégoire de Rugy de la revue Limite. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Bien, maintenant que tout est dit, passons aux choses sérieuses, Hubert. Donc, vous êtes libraire avant tout, vous tenez une librairie rue Campagne Première, la rue même où Belmondo est mort à la fin d'un bout de souffle. Absolument. Une librairie qui s'appelle La Rose de Java, du nom d'un roman de Kessel, et c'est un véritable temple à la gloire de celui qu'on appelait Jeff. Alors Hubert, pouvez-vous nous raconter quels sont les germes justement de cette amitié qui vous a lié à Kessel, surtout que vous aviez une belle différence d'âge. C'était à quelle époque, à quel moment Alors c'était en 68. C'était en 68, j'avais 16 ans, il en avait 71. Ah oui, oui. Ça fait effectivement une différence, même assez colossale. Surtout qu'il a toujours été ouvert aux amitiés, même s'il y avait une énorme différence d'âge. Parce ouais. que, par exemple, Louis Nu, Serra ou d'autres... Raymond Moretti, le peintre, l'artiste peintre. Oui. Il y avait aussi moins de différence qu'avec moi, mais il y avait déjà une différence. Et par quel moyen est-ce que vous l'avez rencontré? Par quel moyen est-ce que... Bah, moi, c'est à partir de la lecture. J'ai commencé à lire très tôt, je suis un lecteur précoce. Oui. Donc à 12 ans, à peu près 11 ans, 12 ans, je lisais des vrais livres, pas des livres d'enfants. Ah oui. Donc les vrais livres pour moi à cette époque, c'était des livres d'aventure. C'était Jack London, Henri de Montfred. Ouais, excellent. Ouais. James de la littérature de voyage, d'aventure. Il y avait James Oliver Curwood, mais il y avait des auteurs d'une autre époque comme Daniel Defoe, Fenimore Cooper, ouais. etc. Puis un jour, je découvre Kessel dans un livre de poche, c'était L'Équipage. Avec une belle couverture illustrée. L'Équipage, qui est son premier roman, ouais, qu'il a écrit premier à 25 roman, ans. Ouais, ouais. 1923. Ouais. Et vous lui avez envoyé une lettre suite à cette lecture? Non, pas là. Pas tout de suite. Plus tard, beaucoup plus tard. À 16 ans? Ouais, 16 ans. Donc là, j'ai 12 ans environ. Et je lis L'Équipage. Alors, j'achète mes livres au marché. Il y avait un marchand de livres qui vendait des livres pas chers. À l'époque, les livres de poche, on les payait 1 franc. 1 franc? Ouais. Ouais. Et puis un jour, je lui dis, bon, monsieur, il faut me trouver d'autres livres de Kessel parce que c'est vraiment bien. Voilà, donc j'en lis d'autres. Ouais. Je lis Belle de jour, je lis La passante du sans souci, Fortune carrée, etc. Et puis le temps passe. Et à 16 ans, j'avais lu à peu près les deux tiers de l'œuvre. Les deux tiers, monsieur. Surtout qu'au total, il en a écrit 88. 88 au total. Donc j'avais lu à une bricole près les deux tiers. Ouais. Voilà. Puis à 16 ans, je me dis... Pourquoi on ne pourrait pas rencontrer ce genre de mec? Qu'est-ce qui interdit ça? Oui. Voilà. Donc je cherche le moyen pour le rencontrer, le moyen le plus judicieux. Donc je me dis que je ne vais pas aller le rencontrer dans les bars ou les brasseries. Qui font vous auriez pu, ouais, parce qu'il allait souvent notamment dans les boîtes de Russes tziganes. Ouais, mais aussi au Select ces grandes brasseries qu'il y a Boulevard Saint-Germain, comment ça s'appelle, Lip. Oui, oui. Bon, voilà, mais il allait aussi au Select à Montparnasse, il allait au Fouquet's. Mais bon, j'allais pas le déranger, je trouvais ça gênant. Bon, il faut trouver un autre moyen. Donc je me dis, le moyen, c'était de lui écrire. Donc j'ai fait une lettre. Oui. Et je la trouvais tellement inutile que je la mets à la poubelle. Mais j'en fais une deuxième et une cinquième. Vous avez fait brouillon sur brouillon. Voilà. Et au bout d'un moment, j'avais dû mettre à la poubelle une vingtaine de lettres. Donc je dis, bon, c'est pas le bon truc. Et puis un jour, C'est comme l'image de Géo Trouve-Tout. Et qui c'est Géo Trouve-Tout? Géo Trouve-Tout, c'est dans, c'est dans Picsou, ça. Ouais. Dans Géo Trouve-Tout, quand il a l'inventeur une idée, génial. Il y a une ampoule qui s'allume au-dessus. Là. Qu'il appelle filament, je crois. Voilà. Et donc j'ai eu l'ampoule qui s'est allumée un jour. Et c'était de lui écrire, mais pas de lui parler de moi, parce qu'on s'en foutait. Pas intéressant. Ouais. Mais c'était de lui parler de lui. Donc je parle de lui. Je commence à écrire sur des feuillets. Puis comme ça commence à prendre de la place. J'ai opté pour un grand cahier d'écolier avec une spirale, comme, un peu comme celui-ci. Voilà. Et, donc et puis lui parler de lui, mais je parlais de lui au travers de ses livres. Donc je pars du premier où il est dans l'équipage. Parce que dans la steppe rouge, ce sont des nouvelles, mais lui n'apparaît pas. Voilà. Mais donc l'équipage, il est là, il est dans. Il est un des personnages. Sous les traits de l'aspirant Herbillon. Jean Herbillon. Voilà. Ouais. Jean Herbillon. Et donc et je relis mes livres les uns après les autres, et puis je lui écris, puis je le situe à chaque fois dans le livre. En fait, vous avez fait une étude que vous avez adressée à Kessel, et voilà. C'est un donc, peu ça. Donc j'ai rempli comme ça trois cahiers, et puis il fallait lui transmettre. Mmh. Donc on est en 68. 68, c'était des grèves, grandes grèves. Donc là, la poste ne plus marchait plus. Plus rien fonctionnait, même le lycée, moi j'allais plus au lycée. Il n'y avait plus rien. Donc j'ai mis les cahiers dans une enveloppe, une enveloppe Kraft. Oui. Puis j'ai inscrit dessus Monsieur Joseph Kessel, Académie française, Quai Conti. Ah, vous l'avez envoyé à l'Académie française? Non, je suis allé la porter. Mmh. Donc j'y vais, je me pointe devant l'Institut, il y avait une porte qui était ouverte, bah, j'entre, innocemment. Vous avez vu de la lumière? J'ai vu, puis il y a un type qui me dit jeune homme, je peux vous renseigner. Ah, je dis, ouais, vous pouvez, ouais. Je dis, voilà, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de remettre cette enveloppe à Monsieur Joseph Kessel? Ah, il me dit, mais tout est possible. Il me dit, mais c'est quoi, là? Bah, je dis, c'est des cahiers dans lesquels j'écris des choses pour lui. Donc, le type me regarde avec un sourire très bienveillant. Ouais. Même carrément une banane. C'était un académicien? Non, pas du tout. C'était un gardien, un huissier, je sais pas, quelque chose comme ça. Le bedeau de l'académie. Voilà. Et donc, il me dit, je m'en charge personnellement. Ouais, j'ai écouté, merci infiniment, merci beaucoup. Et donc, je confie mon paquet, sans savoir s'il allait le faire ou pas. Oui. Voilà. Donc, je confie, puis je repars. Et il l'a fait, puisque quelques soirs plus tard, le téléphone sonne chez moi, ma mère qui décroche, et qui dit, tiens, Hubert, il y a un monsieur qui veut te parler. Et ce monsieur, c'était Kessel? Alors je prends le téléphone, ouais, bien sûr, c'était lui, ouais. Je prends le téléphone, je fais allô, il dit, bonsoir, êtes-vous Hubert Boucara? Je dis, oui, monsieur, c'est moi. Mais je suis Jeff Kessel. Alors, j'étais un peu scotché. Ça doit être assez hallucinant. J'étais un peu scotché, et sans voix même. Et là, lui, allô? Je dis, oui, je dis, celui-là, je dis, c'est une blague? Il me dit, pas du tout. Il dit, vous m'avez fait parvenir à l'Institut une enveloppe avec des cahiers remplis d'écriture. Ah, je dis, mais c'est vraiment vous, alors? Il me dit, c'est vraiment moi. Il me dit, mais que voulez-vous? Bah, je dis, comme je vous le dis à la fin, si vous êtes allé jusqu'à la fin, que j'aimerais vous rencontrer. Il me dit, vous êtes journaliste? Bah, je dis, non, monsieur, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Et il avait tout lu? Ouais, il avait tout lu, ouais. Ah, il me dit, très bien. On ne me l'avait pas faite, celle-ci. Ouais. Ah oui? Alors que je pense qu'il avait un lectorat à l'époque, je pense qu'il s'est amoindri depuis, mais il devait avoir un lectorat incroyable. Peut-être que personne n'avait osé, que des petits vieux. Il avait osé de faire ce que j'avais fait. Oui. Donc il me dit, très bien, on va se rencontrer. Il me dit, il n'y a pas de lycée? Ah ben je dis, non, c'est la grève, il n'y a pas de lycée. L'école buissonnière avec Jeff. Voilà. Mal, donc il me dit, ben, mercredi prochain, devant l'Institut, parce que vous savez où ça se trouve. Je dis, bah, c'est parfait, je serai là à 11h. Ouais, je dis, parfait, je serai là. Donc, ben, au revoir. Clic, on raccroche, pose le téléphone. Mon père, là, qui était à table, qui était aveugle, mais loin d'être idiot, qui me dit, dis-moi, tu parlais avec qui, là? Je dis, avec Joseph Kessel. Il dit, comment ça, Joseph Kessel? Bah, je dis, papa, Joseph Kessel, l'écrivain. Il me dit, je te remercie. Je sais qui est Joseph Kessel. Vous l'aviez fait des lectures à votre père, justement, de Kessel ou... Non, j'avais jamais fait ça. Mm. Il me dit, ce qui m'échappe un peu, c'est comment Joseph Kessel te téléphone à toi, Hubert Boucara. Ouais, Et ça, c'est quand même le point étrange. Bah, je dis, c'est parce que je lui ai écrit. Il me dit, tu as écrit quoi? Bah, je dis, j'ai écrit des trucs pour lui dans des grands cahiers. Ah, il me dit, c'était ça, les cahiers que tu voulais? Je dis, ouais, c'était ça. Voilà. Donc il me dit, mais qu'est-ce que t'as raconté? Rien, je parlais de ses livres. Et comme il est tout le temps dans ses livres, alors je le situais dans ses livres, et voilà. Il me dit, ok. Et pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que je veux le rencontrer. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que ça fait partie des choses qui devraient être possibles. dit, bon, très bien. Dit, j'ai cru comprendre que tu avais rendez-vous mercredi prochain. Alors, tu le fais, mais tu le fais une fois, tu vas pas embêter ce monsieur. Alors, moi, dans ma tête, et que dans ma tête, je lui cause toujours. C'est une histoire digne du petit Spirou, là, pour essayer dans la bande dessinée. Voilà. Embête donc pas ce donc pauvre monsieur. Le mercredi arrive, moi, je me pointe devant l'institut un peu plus tôt. J'ai été 11h moins le quart, je voulais pas le louper. Donc, j'arrive, et puis j'étais là, en train de guetter. Et puis, je le vois arriver, et puis on peut pas le louper non plus. Oui, oui. Il a quand même une carrure. Ah, une carrure, une physique, tête, une tête de lion reconnaissable entre toutes. Une grande chevelure argentée. Puis je le savais, je le savais que c'était lui. Donc ça, c'était en 68, donc 11 ans avant sa mort, puisqu'il est mort en août 79. Mercredi 15 mai 1968. Mercredi 15 mai. Mais c'est absolument extraordinaire. On est combien aujourd'hui? On est le 16 On est le 16. Ah oui, c'est presque une commémoration, une célébration avec vous, Hubert. Voilà. Et donc, vous êtes allé prendre un verre sur ce... Donc, puis curieusement, il vient directement vers moi, alors que j'étais pas seul à cet endroit-là. Et il me dit, toi, tu dois être Hubert Boucara. Ah, je dis, ouais, monsieur, c'est bien moi, ouais. Il me dit, bon, alors, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu veux? Bah, je dis, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir se rencontrer, pour se balader, parler, fumer une clope, boire un coup. Puis il se marre, il rigole. Il me dit, t'es pas intimide, toi? Non, je crois pas, non. Bon, ok, allez, on va se balader. Donc, on va sur les quais. On va voir les bouquinistes, ils montrent des livres. Alors, parfois, je connaissais, souvent, je connaissais pas. Il me dit, tu connais pas Francis Carco? Ben, je dis, non, je connais pas Francis Carco. Jésus Lacaille, c'est ça? Ouais, c'est ça, son, absolument. Son grand bouquin. Ouais. Il me dit, Macorlan, tu sais pas qui c'est? Ben, je dis, non, je suis désolé, ben, j'ai 16 ans, quoi. Hein. Voilà. n'ai que 16 ans. Mmh. Hein. Ça viendra. Voilà. Puis bon, je dis, mon Fred, là, je connais. Hein. Ouais, il dit, t'as lu mon Fred? Ah, je dis, oui, j'en ai lu. Le secret de la mer Rouge, ouais, notamment. Voilà, le secret de la mer Rouge. La révolte des momos, etc. Bon, il y a beaucoup... Il y a 70 livres, hein, mon Fred. Hein. C'est quand même déjà une œuvre. Hein. Et qui s'est mis à écrire en partie grâce à Kessel, qui l'a poussé justement à raconter ses souvenirs abyssiniens, notamment. C'est en 1930, ouais. Ça. C'est lors de l'expédition On y reviendra, justement, Yémen. Sur ses voyages, ses reportages. Et donc, mon Fred, il me dit, tu sais que c'est un de mes copains, mon Fred. Ben, je dis, oui, je sais, évidemment, je sais. Mais t'as lu quoi? Ben, j'ai lu ça, Les secrets de la mer Rouge, et puis le livre sur les momos, et sous le masque des momos, j'ai lu... les histoires de testament de pirates, l'île de la tortue, etc., etc. Je lui cite, ah, il me dit, mais tu en as lu vraiment? Ben, je dis, oui, j'en ai lu. Il dit, bon, alors on continue, il me montre des livres. Bon, alors, des fois oui, des fois non. Et puis, on continue, on marche, on se balade le long des quais. Et à un moment donné, il me dit, bon, on va peut-être se poser 2 minutes. J'ai envie de fumer, faut que je fume une clope. Je vais fumer. Bon, alors on s'assoit sur un banc public. Il sort son paquet de cigarettes. Il met une cigarette dans son long fume-cigarette. Et puis il allume. Mais je dis, moi, je chante pâté. Il vous a filé une clope. Et donc il me dit, tu voulais une cigarette? Ben, je dis, oui, j'en veux bien une. Donc il me tend une cigarette et puis on se met à fumer. Puis on parle comme ça, comme si on se connaissait depuis toujours. Puis on parle de choses et d'autres. Puis on reprend notre balade. Puis on arrive qu'est Voltaire. Qu'est Voltaire, où longtemps plus tard, je deviendrai bouquiniste. D'accord. Oui. Donc c'était. Presque un symbole. Le long de la Seine, oui. Donc il me dit, bon, il fait chaud, t'as soif peut-être? Oh, je dis, ouais, je boirais bien un coup. Donc on va rue du Bac, il y a une brasserie qui s'appelle La Frégate, oui. Qui existe toujours, qui est moins jolie qu'avant, mais bon, peu importe. Donc on se pose à l'extérieur, le garçon arrive, et il me dit, bon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis moi, bêtement, je dis, ben, un coca. Il me dit, bon, ben, un Coca-Cola pour le jeune homme. Kessel a accepté, oui. Ouais, et une double vodka pour moi. Voilà. Et bien une double vodka, justement, c'est absolument parfait, parce que figurez-vous, comme je vous l'avais dit, que nous avons de la vodka russe sur le plateau, ainsi que du caviar, et nous allons attaquer ça, et nous allons écouter une petite chronique de Théo. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin de pied et la cuite mesquine. Archimède, le vin de boire. Attaquer le caviar, Hubert. Ah oui. En écoutant Théo. Alors la mer Caspienne, l'Iran, la Russie, le fleuve Amour, la Sibérie, les lacs Aral et Baïkal. L'histoire du caviar ferait rêver n'importe quel aventurier et même un Kessel, vous nous le raconterez. Il y a des histoires de puissance et de guerre derrière le prestige de ce mets. Au XVIe siècle, les Russes reconquièrent les rives de la Volga et retrouvent l'accès à la mer Caspienne. Cette victoire, ils la doivent aux Cosaques. Et pour les remercier, ils leur confient la garde de la frontière et le contrôle des pêcheries, moyennant quoi, ils donneront quelques fourrures et un peu de caviar. Les œufs d'esturgeon gagnent en valeur et Alexis Ier déclare le caviar monopole impérial. Puis le commerce s'ouvre, les exportations débutent, mais ce qui fera vraiment exploser la valeur de ce mets, c'est sans doute la révolution de 17 et la fuite des Russes blancs, notamment vers la France. Ils apportent avec eux ce mets, qui s'accordera avec la réputation de pays du raffinement que possède la France. Cela en fait un mets de luxe, certes, mais aussi de déracinés, de populations sans patrie. Après qu'on s'en est baffré dans les années 80, ce produit a retrouvé sa rareté. Il est très cher à produire et c'est sans doute un des derniers véritables produits de luxe de nos jours. Pour le moment, en tout cas, parce que l'enseigne Lidl a cette année proposé une boîte de 15 grammes pour 9,99€, pouvant offrir à ses clients moins aisés un peu de prestige pour Noël. La production grandissante de caviar d'élevage qui a complètement remplacé le caviar sauvage, dont l'import est d'ailleurs interdit en Union européenne, permet donc cette production permet à des grandes marques des achats en quantité qui font baisser les coûts, le risque étant que ce développement de l'élevage se fasse au détriment de la qualité. On voit ce que ça donne avec le foie gras, le saumon et la truffe quand on les trouve dans les rayons des supermarchés. Oui, il est très bon celui-ci, vraiment. Merci. Il vaut mieux saluer l'essor de la production française, et notamment l'IGP Caviar d'Aquitaine, qui donne des produits encore chers, évidemment, mais d'une qualité grandissante. On voyage un peu moins, mais le goût est là, et nous voyagerons dans les livres. En attendant, Yves, servez-nous de la vodka, c'est le seul accord convenable avec ce grain délicieux. Yes sir, c'est fait. Donc là, nous sommes à la vodka... Un petit fond de vodka est en train de manger notre caviar que l'on mange sur la main, entre le pouce et l'index. Et c'est très bien comme ça. Alors Hubert, vous vous appelez donc Hubert Boukhara et vous avez un nom qui rentre dans la mythologie kesselienne justement. Ah oui. J'étais en train de lire les cavaliers et je vous cite ça. Cela, Toursen l'avait vu quand, dans la force et la fraîcheur de sa jeunesse, il accompagnait son père au-delà de l'amou Daria. En ce temps, les émirs de Kiva et de Boukhara, bien que soumis aux grandes arts du Nord, régnaient encore sur leur principauté. Et en lisant ça, justement, je me suis demandé quelles étaient vos origines. Boukhara, ça doit être Asie centrale, à peu près. Sans doute, c'est en Ouzbékistan. Et vous êtes originaire de là-bas ? Non. Mais un jour, un monsieur à qui j'avais vendu des livres, un vieux libraire du Marais, quand il m'a demandé mon nom, j'ai dit Hubert Boukhara, il me dit « Vous êtes ouzbek ?» Alors, je dis « Non, pas du tout, non. » Il me dit « Si ?» Bah, je dis, je ne voudrais pas vous contrarier, monsieur, mais dans ma famille, on n'a jamais parlé d'Ouzbékistan. Oui. Ma famille vient d'Afrique du Nord, tout récemment, dans les années 55-60, d'Algérie. Mais avant ça, il venait de Tunisie. Mais encore avant la Tunisie, il venait d'Italie. Ah, il me dit, oui, bien sûr, de Livourne. Ah, bah, je dis, voilà, exactement. Il me dit, mais longtemps avant, vos ancêtres viennent de Boukhara, qui ne s'appelait pas l'Ouzbékistan à cette époque, qui s'appelait le Turkestan russe. Le Turkestan russe. Voilà. Mmh. Et donc... Comme j'avais une âme de voyageur et que j'ai beaucoup bourlingué, j'ai quand même beaucoup parcouru le monde, je me dis, puisque c'est comme ça, j'y vais. Il me dit, où ça ? Je dis, à Boukhara. Il me dit, vous êtes sérieux ? Ah, je dis, vous ne savez pas de quoi je peux être capable. Donc, j'y ai passé 6 mois. 6 mois, oui. À la recherche de vos origines, justement, ou vraiment en promenade en Goguette ? En promenade, je suis allé principalement dans deux villes, à Boukhara et à Samarcande. D'accord. Et à la fois, ça m'amusait beaucoup parce que les noms des lieux avec quelque chose de féerique. Ah bah oui, c'est du corto maltaise là. Oui, ça peut être corto, mais ça peut être Monfred, Kessel en plein dedans. Et dans les livres de Jeff, les noms des lieux me faisaient rêver. Il me semble pour mémoire qu'il y avait jusqu'au 15e siècle une tribu nomade comparable aux Mongols ou aux Tatars qui s'appelait les Boukhara. Les Khazars. Les Khazars, mais Boukhara, il me semble qu'il y a une tribu qui s'appelle Boukhara, qui s'est appelée en fait Boukhara. Il y avait surtout les Khazars. D'accord. Les Khazars étaient une tribu turco-mongole et qui avait envahi au 5e siècle, qui envahit l'Europe orientale. Et ils règnent sur toute l'Europe orientale, du 5e au 12e siècle de notre ère. Et ils disparaissent, sans trace de génocide. On ne sait pas. Vaincus, repoussés, il y a un livre très intéressant de Arthur Koestler, qui s'appelle Le titre est la 13e tribu, et qui est un essai historique, on adhère ou pas, moi je trouvais ça très intéressant, où il explique que les juifs ashkénazes, donc les juifs d'Europe de l'Est, les juifs d'Europe orientale, seraient probablement les descendants des Khazars. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que s'ils sont réellement descendants des Khazars, bah, ils ne sont pas sémites. Donc, alors, ce qui fout en l'air toutes les théories antisémites de la dernière guerre mondiale, que si les juifs ashkénazes n'étaient pas sémites, comment on pouvait être antisémite? Ça devient compliqué. Donc c'est intéressant aussi à ce sujet-là. Et moi, j'y suis allé parce que je voulais voir à quoi ressemblait l'Europe orientale. Puis moi, j'avais des fantasmes sur les steppes. Je suis allé en Mongolie aussi. Mmh. Donc j'ai vécu avec des nomades en Mongolie, puis avec des nomades en Ouzbékistan. D'accord. Donc vous avez dormi sous la yourte. Voilà, vous avez vécu avec ces cavaliers qui n'ont pas de but. Puis surtout avec des yaks. Avec les yaks, ouais. Avec des yaks. Et puis surtout manger du fromage ou du beurre de yak. Faut avoir l'estomac bien accroché. Kessel aussi était juif. Hein, alors, Kessel était juif aussi, ouais. Et il a eu le visa numéro 1. Alors ça c'est en 48. 15 mai 1948. Fondation d'Israël. Voilà, donc déclaration d'indépendance d'État d'Israël. Il y va pour couvrir l'événement. Lui, grand reporter. Oui. Et là, il obtient le visa numéro 1. Parce qu'immédiatement, il y a eu une guerre avec les pays arabes. Tout de suite. Première guerre, 48. Ouais. Et il l'a couverte, justement, en tant que reporter. En tant que grand reporter. Mais il était allé bien longtemps avant. Oui. Donc il est allé dans un bouquin, je crois, qui s'appelle Israël, Terre d'amour et de feu. Alors, Terre d'amour tout court. Terre d'amour, ouais. Terre d'amour et de feu, c'est plus tard. Oui. Donc c'est un mélange de plusieurs livres. Et en 1924, il va... ce qui est la Palestine britannique. Oui. Donc au départ il ne veut pas y aller. Donc il y a un type qui vient le voir à Paris, il s'appelle Chaim Herzog, et qui longtemps plus tard deviendra le premier président de l'État d'Israël. D'accord, oui, parce que initialement Kessel n'était pas spécialement intéressé par le judaïsme, il n'avait pas conscience de sa judéité, oui, surtout. Et donc il dit ça m'intéresse pas. Voilà. Il me dit le sujet ne m'intéresse pas, et puis le sionisme est une utopie, ça ne marchera jamais. Oui. Voilà. Donc Herzog revient à la charge, deux fois, trois fois. Il dit, on vous paye le voyage, on vous héberge, on vous nourrit, mais vous êtes un grand journaliste et on aimerait que vous veniez voir ce qu'on fait. C'est ça, en fait, il l'a pris par son point faible en lui proposant un beau voyage et donc, un reportage. Kessel dit, j'accepte parce que c'est une aventure. J'accepte simplement parce que c'est une aventure. C'était énormément de choses. En se basant justement sur cette justification qu'en partant, il accélérait à l'aventure. Voilà, c'est que la plupart de ses voyages étaient motivés justement par cette recherche fulgurante. Par l'aventure. Donc il y va. Mais il y va, sauf que ce qu'il ne s'y attend pas, c'est que ça a changé sa vie. Eh oui, oui, oui. Donc à partir de ce premier voyage, il découvre sa judéité. Et là, il change d'opinion à la fois. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Hein. Donc il devient un partisan fervent du sionisme. Et est-ce qu'il a creusé ça? Parce que dans ses romans, la religion est assez peu présente. La religion, ouais. Mais l'idéal, non. Oui. C'est plus au niveau des idéaux, mais oui, pas la religion. La religion, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, oui. Il n'a jamais pratiqué. Non. Il n'a jamais pratiqué, juste pour son enterrement, quoi. Oui. Voilà, où il y avait un rabbin qui est venu lire des bénédictions le jour de son enterrement. Voilà. Ça avait été une demande expresse de Kessel, cette... Non, c'est autour de lui. D'accord, ouais, autour de lui, on a voulu que ça soit comme ça. Donc, il est au terrocitière du Montparnasse. Ah oui, absolument. C'est à 3 minutes 12 à pied de ma boutique. Donc je vais le voir souvent. Et vous allez causer avec lui. Et je vais parler avec lui. Oui, il me semble qu'il n'est pas très loin justement d'un autre artiste juif, Gainsbourg. Gainsbourg, c'est pas dans le même endroit. C'est pas le même cimetière. Ouais, c'est au Montparnasse, parce que le cimetière de Montparnasse, il est en deux parties. Il y a une très grande partie. Il n'est pas rue de Garquinet. Dans le boulevard Garquinet, il y a un petit rue qui sépare les deux cimetières. Mm-hmm. Donc c'est toujours Montparnasse, mais il y a une autre partie qui est plus petite. D'accord. Et lui, il est là. Mais en tout cas, dans ce cimetière, on y trouve également Baudelaire. Grégoire, je crois que vous avez une question. Oui, ça, vous parliez de religion en disant que ça ne l'intéressait pas. Et c'est vrai que j'ai lu la biographie d'Yves Courrière sur Joseph Kessel. Il y a une phrase qui revient tout le temps et je pense qu'il définit assez bien Kessel. Vous direz ce que vous en pensez. C'est Kessel, il s'intéressait moins aux idées qu'aux hommes. En fait, ce qui l'a intéressé toute sa vie, ce qui l'a motivé, c'est de rencontrer des gens enracinés dans une culture, voir côté exotique, voyager, rencontrer des gens qui représentaient quelque chose, mais les idées générales, c'était pas son truc, c'était pas un philosophe, c'était un voyageur. Il avait une phrase que moi j'aime beaucoup, c'est je préfère les hommes aux idées. Voilà, ça, à partir de là, on a On a dit beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment fait d'ailleurs? Parce qu'on voit qu'il s'est, dans ses romans, du moins, il s'intéresse à tout type d'hommes. Ouais. Et, voilà. Mais même dans son entourage, il a eu des gens comme Henri Béraud, qui au départ n'était pas un mauvais mec, parce qu'il était même journaliste au Canard Enchaîné. Qu'il a croisé en Irlande lors d'un de ses premiers reportages en 1920. Au milieu des années 20. Oui. Voilà, c'est ça. Il fait un reportage sur l'insurrection irlandaise. Et Béraud y était aussi, parce que Béraud y était parce qu'il était anglophone. Mais après Béraud, en fait, il a un peu mal tourné parce qu'il a viré très extrême droite de l'époque, très xénophobe. Et Jeff s'en est séparé assez tôt, c'est-à-dire dans les années 30. Oui, il y a eu Georges Soares, Horace de Carbouchia aussi qui a fondé les éditions Georges de France. Georges Soares, qui était aussi un intellectuel, écrivain, journaliste, ils étaient très proches à un moment donné. Ils ont même coécrit deux livres sur un événement politique qui s'appelle le 11 mai. Au camp des vaincus ou la révolte ou le truc du 11 mai, bon, c'est pas très intéressant comme livre, parce que c'est un événement politique avec Raymond Poincaré, donc bon, historiquement ça peut être très intéressant. Moi j'ai pas trouvé l'aventure, ça m'intéressait un peu moins. Mais c'est peut-être les deux qui m'intéressent le moins de Jeff, mais qu'il a coécrit avec Georges Soares. Et donc et là c'était chez Gallimard, c'était à la NRF, mais après effectivement il y a eu Horace de Carbouchia qui était un de ses éditeurs. Mais avec qui il s'est séparé parce que Carbouchia était très largement impliqué dans la collaboration pendant la guerre. Oui, alors nous allons voir justement par rapport à cette coécriture que ce n'est pas la seule œuvre de Kessel qui a été coécrite, car nous allons écouter le grand Jeff lui-même nous évoquer la naissance du chant des partisans, dont il a écrit les paroles en 1943 dans un bistrot londonien avec son neveu Maurice de Ruon. Un peuple qui n'a pas de chanson est un peuple qui ne peut pas se battre. Ce qui serait bien, c'est de, pour les maquis, pour la résistance, d'avoir une chanson. Que on diffuserait naturellement des postes semés dans l'Angleterre, mais qu'on ferait passer pour une chanson anonyme des résistants. Et le lendemain, le surlendemain, on s'est mis d'accord sur un air qui avait été écrit par une Russe d'origine qui s'appelait Anna Marley. L'air m'avait plu, et sur cet air, avec une facilité vraiment dérisoire, parce qu'on était porté par le sujet, nous avons écrit les paroles du chant des partisans, croyant de toute l'absolue bonne foi que c'était fini, que personne n'en parlerait plus. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. mots à la bouche. Les mots. Alors, vous êtes toujours sur le plateau des mots à la bouche sur Webset Radio et notre réalisateur Juan Belleville a essayé de vous mettre en appétit avec un chant de zigane, mais nous écouterons ça après lorsque nous parlerons notamment de l'illustre Romain Gary. Alors Hubert, par rapport à cette aventure justement, alors je précise avant tout à nos auditeurs que Théo vient de nous servir le tartare de bœuf et commence à déboucher notamment les bouteilles de Syrah. Et à quoi ressemblait un dîner, un repas avec Kessel? Alors, pas que avec Kessel, parce qu'on était souvent nombreux, oui. Mais c'était gargantuesque. C'était gargantuesque. C'est-à-dire, c'était ces gens que je fréquentais, Jeff. Oui, parce qu'il avait un cercle, une garde rapprochée. Alors, il y avait souvent les mêmes amis. En fait, il y avait deux cercles. Il y avait un lien entre les deux cercles. C'était Louis Nucera, qui était écrivain, journaliste, un type absolument génial, qui est mort bêtement. Il y a quelques années, parce qu'un type en bagnole l'a culbuté alors qu'il faisait du vélo. Oui. Donc, à la manière de Roland Barthes. Voilà. Et donc, il y avait deux cercles. Il y avait le cercle kesselien, avec lui au milieu, puis tous ses amis autour. Et il y avait un autre cercle, où il y avait Georges Brassens. Brassens, ils étaient amis, hein, Brassens et... Je connaissais bien. Il y avait Georges Brassens, mais ça, c'était un autre cercle. Georges Brassens, René Fallet, ouais. Alphonse Boudard, Lino Ventura, Raymond Devos, Barbara, Jean Gabin. C'est un autre cercle. Et le lien entre les deux cercles, c'était Louis Nucera. Louis Nucera, ouais. Parce qu'à la fois, il était très proche de Jeff, et très proche de Brassens, de Boudard, de Fallet, de Blondin, etc. Donc, il faisait le lien entre les deux cercles. Et souvent, quand on faisait des dîners, c'était très impressionnant. Ah bah ça, j'imagine. Très ouais. Impressionnant. Je pense que ça pouvait durer longtemps. C'est des gens qui ne mangeaient pas, ils bouffaient. Ils avalaient. C'était gargantuesque. C'était, moi, au départ, j'étais souvent impressionné. Puis un qui m'impressionnait beaucoup, c'était Lino Ventura. Oui, qui avait une passion de la cuisine, notamment de la cuisine italienne et des spaghettis. Entre autres. Ouais, il raconte des anecdotes avec Jean Gabin. Il mangeait. Et parfois, j'avais l'impression... qui mâchait pas, qui ingurgitait des morceaux entiers. Et moi, j'étais tout... C'est son passé de boxeur. J'étais encore minot à cette époque, j'avais 22-23 ans. Et puis un soir, à table, dans l'appartement de Louis Nucera à Paris, je le regardais manger. Et, je pense que c'était un spectacle à lui tout seul. J'étais scotché, je veux dire que j'avais ma fourchette qui était figée dans, comme ça, là, dans l'air. Et puis Gabin remarque la scène. Et là, Gabin qui dit, tu sais, petit... Le Lino, il le dit comme ça, sur ce ton-là. Oui. Il dit, tu sais, petit, le Lino, quand il mange, faut pas le regarder. S'il va croire qu'il va lui piquer sa bouffe, il va t'en coller une. Et là, un court instant, terrorisé. Et là, il lève les yeux, il s'arrête de manger. Lino, il s'arrête de manger. Il lève les yeux, et il me regarde. Oui. Et là, je me dis, je vais en prendre une. Mais pas du tout. Et à ce moment-là, vous aviez une vingtaine d'années. J'avais 22, 23 ans, ouais. Et là, il dit, écoute pas le vieux. Et puis il recommence à manger. Oui, extraordinaire. Ouais. C'est Bernard Blier qui racontait qu'il avait réussi à sauver la vie à Lino Ventura et à Jean Gabin, qui venaient de terminer une très bonne bouffe dans un bon resto parisien. Pour aller boire un pot-au-feu. Voilà, pour bouffer le pot-au-feu de Gabin. Et finalement, c'est Blier qui avait réussi à convaincre tout le monde de ne pas y aller. Mais Lino Ventura a raconté plus tard que si Blier n'avait pas été là pour les retenir, il serait sûrement mort. Ouais, l'estomac explosé. Ils l'ont fait quand même, pas ce soir-là, mais pas ce jour-là, mais ils l'ont fait d'autres fois. Voilà. D'accord. On était un jour dans une brasserie parisienne qui s'appelle Tout Mieux. C'est rue Saint-Dominique. C'était tenu à l'époque par Monsieur Toutmieux, C'est Jean-François Piège qui l'a tenu un temps, et maintenant c'est Sylvestre Walid. Oui. Mais c'est à l'heure actuelle. Elle existe encore du coup. Ouais, elle existe. Moi j'y vais plus parce que ça m'amuse moins. Mais à l'époque il y avait aussi Monsieur Toutmieux, qui était un gros Aveyronnais, qui faisait une cuisine très très lourde, très riche. Très grasse. On avait mangé un énorme cassoulet. Et là, il y en a un qui dit, mais tu sais, paraît-il que là, à tel endroit, ils font je sais plus quel plat, on y va. Bon, je dis, on y va à quoi? On y va où? On a mangé là déjà, non? Il dit, ouais, mais Gabin me dit, tu sais, petit, si tu veux être de nos amis, il va falloir que tu apprennes à manger. C'était juste l'entrée, là. Ouais. Et donc, on a quitté ce resto, on avait déjà mangé un énorme cassoulet, pour aller à un autre endroit pour manger encore autre chose. Et moi, je dis à Jeff, je fais, on va tous mourir. Hein. C'est sûr. Hein, même pas un petit trou normand, quand même, entre les deux? Si, enfin, il y a de l'alcool tout le temps. Ouais, bon, en tout cas, on va partir sur le tartare de bœuf pendant que le public est en train de se repasser du saucisson, du caviar, du vin en pagaille. Et nous allons partir avec ça, avec Théo. Allez, on mange. Allez, à table. À table, on mange. Et oui, et moi... Tu te fais toujours avoir, hein, Théo. J'étais pressé, je me fais toujours avoir, j'oublie un à table. Et moi, je voudrais que nous retournions dans les steppes glacées de la Sibérie ou sur les rives de la mer Caspienne pour voir passer les Cosaques superbes chevauchant en bandes informes. Les aporogues avaient pour habitude de placer sur leur selle des filets de viande crue, salée, qui se vidaient de leur sang au fur et à mesure de la chevauchée. Ils la mangeaient alors tranchée. Une erreur de dénomination de la part de nos ancêtres du XVIIe siècle a attribué cette technique aux Tartares, qui étaient pourtant les ennemis héréditaires de nos fameux Cosaques. De tout cela, nous n'avons conservé que l'habitude de manger de la viande crue, du bœuf, de veau ou de cheval. Mais nous la hachons, d'un couteau bien aiguisé pour les puristes ou d'un coup de machine, comme on le voit le plus souvent désormais, ce que je regrette amèrement, parce que cette technique retire toute la mâche à la viande et en fait souvent une bouillie à la texture inintéressante. Des petits dés habilement découpés, au contraire, se déchirent sous la dent et fondent à merveille si la viande est tendre comme il le faut. Si elle est bien fraîche et son goût se révèle lentement. À condition évidemment qu'elle n'ait pas été noyée sous l'assaisonnement. Un bon tartare est un exercice d'équilibre, de mesure entre la saveur de la viande crue et celle des condiments multiples qui l'accompagnent. Jaune d'œuf, moutarde, oignons ciselés, capres concassés, cornichons tranchés fins, persil haché, sauce Worcestershire et tabasco. Voilà ce avec quoi il faut composer. Et là, le guerrier mangeur de viande se transforme en peintre délicat qui doit chercher l'osmose entre chacune des saveurs. Entre la suavité du bœuf et de l'œuf, et le piquant, l'acidité, le mordant des autres produits. Il n'est pas de dosage type, je n'ai pas la clé pour trouver la nuance idéale et peut-être vaut-il mieux que chacun prépare à sa guise son assiette. Il n'est qu'un impératif. Laissez la place à la viande, sinon mangez des pâtes, quitte à les noyer sous la sauce, on n'aura pas tué une bête pour rien. Nous avons laissé la vodka pour déguster le steak tartare et nous avons débouché une Syrah des collines rhodaniennes, vinifiée par David Reynaud. Les épices de ce cépage devraient répondre à notre plat sans se laisser étouffer. Vous trouverez cette jolie bouteille à 13,60€ chez Saint-Monclaviste. Merci beaucoup Théo, donc soyons des peintres et mangeons gaiement. Et alors à table justement Hubert, pour rester... Sur ces dîners, il y en a un que vous n'avez pas pu rencontrer malheureusement, c'est Jean Mermoz. Et Mermoz a été un des très grands amis de Kessel. Il lui a même consacré une biographie qui est absolument magistrale, notamment où on sent toute la tendresse justement de Jeff par rapport à Mermoz. Et il raconte dans son recueil des hommes que Mermoz est sûrement l'ami qu'il a le plus touché, et comme une sorte de béquille morale, et que lorsqu'il n'allait pas très bien, il pensait à Mermoz à ce moment-là, il pensait à sa grande main qui venait se mettre sur son épaule. Ils étaient très proches, en effet, ouais. Ils étaient vraiment très, très proches. Et Mermoz, le livre, en tout cas, le livre de Jeff, écrit en 1938, moi, je le lis pour la première fois un soir où j'étais avec lui, chez lui, où j'étais affalé dans un fauteuil, et je commence ce livre. Et là, je m'adresse à lui, je lui dis, dis-moi, Jeff, Mermoz. Il me dit, ouais, quoi, Mermoz? Je dis, Mermoz... S'il s'était pas tué dans son accident d'avion, oui. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Sur la Croix du Sud, où il s'est, la Croix du Sud, il s'est abîmé en plein Atlantique. Et là, il me dit, développe, mon garçon, développe. Bah, je dis, Mermoz, il est mort en 36. Bon, s'il n'était pas mort, mais oui. Je vois où vous voulez en venir, parce que justement, Mermoz faisait partie des Croix de Feu, je crois, à la fin de sa vie, il a eu un engagement politique. Il avait un engagement politique. Bah, je dis, s'il était arrivé jusqu'à la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il me dit, du bon côté ou du mauvais côté ? C'est une question assez vicieuse, ça, quand même, que vous lui avez posée. Et là, il me dit, mon garçon, on ne peut pas extrapoler. Mais j'aime à croire qu'il aurait été du bon côté. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais je lui dis, ouais, Mermoz, quand même, les Croix de Feu, etc., c'est quand même l'extrême droite de cette époque, cependant, très nationaliste. Cependant, Kessel disait souvent que, justement, Mermoz avait une pureté intérieure, une pureté morale qui était absolument extraordinaire. Voilà, donc, voilà. Mais après, bon, il avait raison, on ne peut pas extrapoler. Et donc, on peut... Mermoz, il est rentré dans la légende comme quelqu'un, un personnage brillant, extraordinaire. Un archange, ouais, c'était souvent... L'archange, ouais. Voilà, c'est ça, absolument, l'archange, voilà. Tout à fait. Mais bon, on avait eu cette conversation et ce qui a duré un petit moment. Et puis là, il me dit, il change de sujet complètement. Il me dit, je t'avais conseillé de lire Éducation européenne de Gary. Ah, tu l'as fait ou pas? On va en venir. Je l'ai fait, c'est beau, c'est magnifique. Il me dit, c'est tout l'analyse que tu en tires. J'ai dit, non, mais ce soir, c'est Mermoz qu'on parle, pas de Gary. Il dit, ok, mais va chercher à boire. Ouais. Et là, vous êtes allé chercher de la vodka. Donc, je suis allé dans le frigo, je suis allé chercher une bouteille de vodka. Pour lui, moi, j'avais pris autre chose, mais voilà. Donc, mais je lui dis, mais ce soir, c'est Mermoz dont on parle, pas Gary. Et vous avez un très beau portrait de Mermoz, d'ailleurs, dans votre librairie. Oui, j'ai trouvé ce portrait en chinois, je le garde pour l'instant. Et je trouve que c'est un portrait magnifique. Et alors, c'est très amusant, ce portrait, ça m'a beaucoup amusé, parce qu'un jour, pas longtemps après l'avoir acheté, Je regarde un film, j'avais envie de revoir un film avec Gabin qui s'appelle Le Baron de l'Écluse. Oui. Un film de Jean Delannoy. Et puis au tout départ du film, Gabin fait un baptême de l'air à une mamie. Et donc, à un moment donné, il pose son avion, il va rendre les clés de l'avion au bureau, l'administration de l'aéroplane. Et là, dans la scène, on voit mon portrait de Mermoz. Ben, je dis, mais c'est mon Mermoz, ça. Donc j'avais fait une capture d'image pour garder cette image-là, et je trouvais ça très drôle de revoir mon Mermoz dans ce film. Oui. Ouais. Mais c'est un beau portrait. En fait. L'amitié, oui, à mon avis, c'est une des valeurs socles, justement, de Kessel. Et l'aventure, évidemment. Et je crois que, justement, vous avez vécu plusieurs aventures, notamment en Amérique du Sud, assez jeune, et que Kessel, justement, vous a poussé. Alors, vous a même financé, je crois, en partie, le voyage. J'avais 20 ans. Et je voulais partir parcourir le monde. Je ne voulais pas travailler, je ne voulais plus étudier. En fait, j'avais terminé parce que j'avais fait des études qui ne m'ont pas beaucoup amusé. À 20 ans, j'étais ingénieur en électronique. Oui. Voilà. Puis ça ne m'amusait pas du tout. C'est mon père qui voulait. Vous avez foutu le camp. Et... Voilà. Mais puis j'avais un fantasme avec l'Amérique du Sud. Donc j'avais une bibliothèque très, très importante sur les Indiens. Qu'on trouve en Amérique du Sud. Dans les ruines aussi, on imagine. Aussi, ouais, mais surtout les gens, surtout les Indiens. Les Quechua, les Aymara et... C'est les Andes, ça, effectivement. Ouais. Du coup, vous avez suivi les traces d'Antonin Artaud et vous êtes allé vivre... Donc un jour, je dis à Jeff, je dis, tu sais, un jour, je vais partir. Il dit, partir où? Il dit, il faut que je parte. Il dit, je comprends pas ce que tu dis, mon garçon. De quoi parles-tu? Je dis, Jeff, il faut que je parte parcourir le monde. Je dois parcourir le monde. Ah, il me dit, je comprends, ouais. Il me dit, tu veux aller où? Oh, je dis, tu devrais le savoir. Ah, il me dit, l'Amérique du Sud, sans doute. Je dis, voilà, par exemple, l'Amérique du Sud, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Chili, la Terre de Feu, etc. Oui. Et j'ai rencontré en Terre de Feu des Indiens qui ont disparu totalement aujourd'hui. Ils s'appelaient les Alakaloufs. Les Alakaloufs? Ouais, ils parlaient pas. Enfin, ils pouvaient parler, mais ils parlaient pas. Ils communiquaient entre eux en sifflant. Comme des oiseaux. Voilà. Et il me dit, tu sais qu'un voyage, ça se prépare. Mais je sais. Il me dit, mais est-ce que tu as des sous pour financer ce voyage? Je lui dis, oui, j'ai mis de l'argent de côté. À l'époque, j'avais... on est en 70, hein, quand même. Hein. En 72. Donc, 7 ans avant la mort de Kessel. Ouais, ça, à peu près. Ouais. Et je lui dis, j'ai 3000 francs. À cette époque, 3000 francs, c'était quand même beaucoup d'argent. Le salaire moyen devait être de 1500 francs. Oui. Ouais. Et il me dit, écoute, si ton projet est sérieux, je double cette mise. Mais il me dit, en revanche, il dit, tu devrais quand même en parler à tes parents, voir s'ils sont d'accord que tu fasses un voyage si important. Donc j'en parle à mon père. Mon père, il me dit, écoute, tu sais, mon fils, ce que tu veux faire, non seulement je t'empêcherai pas de le faire, mais en plus je t'encourage, parce que moi on m'a empêché de faire ça quand j'avais ton âge, parce que j'étais presque aveugle. Donc tu vas le faire. Mais la condition sera que chaque semaine tu devras nous envoyer un aérogramme. Un aérogramme ? Aérogramme. L'aérogramme, c'était une sorte de lettre, un papier bleu pas beau. Oui. Ça avait la forme d'une enveloppe. On écrivait à l'intérieur, on repliait, on collait, et c'était un tarif international. D'accord. Voilà. Donc, et puis, je raconte ça à Jeff, et mon père me dit, bon, si ton copain double ta mise, ben moi, je mets la même mise. Donc, j'étais parti avec 9000 francs. Ah oui, vous avez fait un voyage de seigneur, là. Ah ouais, mais je dépensais presque rien, parce que je voulais pas dépenser mon pognon. Et vous avez vécu avec les Indiens? J'ai vécu avec des Indiens Aymara. Et donc, Jeff me dit, c'est deux aérogrammes que tu devras envoyer. Je dis, pourquoi je devrais envoyer deux aérogrammes? Un pour votre père, un pour Jeff. Il me dit, imbécile, un pour tes parents et un pour moi. Alors, je dis, en gros, je vais passer ma vie à écrire, quoi. Donc, voilà. Donc, je faisais ça, puis je suis parti sur un bateau de marine marchande. Parce qu'à l'époque, on appelait ça du bateau stop. Ouais, du bateau stop. Ouais. On appelait ça comme ça. Bon concept, il fallait sur le bateau vous travaillez. Voilà, on travaille sur le bateau pour payer son voyage. Donc il fallait avoir des papiers en règle, un extrait du casier judiciaire, etc. Voilà. Et donc le bateau me déposait à New York. Donc c'était pas la première fois que j'allais à New York parce que Jeff m'y avait emmené pour mes 17 ans. Ah vous êtes parti en voyage avec Kessel. La première fois, ouais, pour mes 17 dans ans. La ville qui se tient debout. Ouais. Il m'a emmené à New York. On a passé 15 jours tous les deux là-bas. C'était féerique, extraordinaire. Et là, ce grand voyage, donc je débarque à New York, et là, il fallait, en dépensant le moins de pognon, arriver de l'autre côté. C'est-à-dire en Amérique du Sud En Californie d'abord. En Californie, oui. D'abord. D'accord. En Californie, après j'ai eu des coups de chance absolument incroyables. J'ai rencontré une famille américaine qui était en vacances dans un camping-car démesuré. Donc ils m'ont emmené avec eux, donc ça m'a permis de traverser les États-Unis avec ce camping-car et avec ces gens qui étaient adorables. Vous avez fait la panne américaine, j'imagine. Ouais, on a fait ça. Et pour arriver en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, vous avez leur maison. Voilà. Donc je suis resté quelques jours, quelques semaines même avec eux, parce qu'ils ne voulaient plus me laisser partir. Et je lui ai dit, tu sais que mon voyage n'est pas terminé, loin de là. Il me dit, je sais. Il dit, bon, quand tu veux partir, tu me dis un jour ou deux à l'avance. Donc, un jour ou deux à l'avance, il m'emmène à San Diego, où j'ai passé la frontière. Voilà. Donc, j'ai passé cette frontière, je traverse le Mexique, la péninsule qui relie les deux continents, et là, j'arrive en Équateur. J'ai dit, ça y est, j'y suis presque. Puis, je continue mon voyage, donc ça prend des jours et des semaines, parce que je voyage avec les moyens du bord. Donc, histoire d'économiser le plus possible mon pognon. C'était comment, par bus? Vous aviez une moto? Des bus, du stop, dans des trains où il y avait des poules et des cochons. Mais voilà, ça coûtait rien. Et j'arrive à Lima. Donc je dis, ça y est, je vais peut-être m'arrêter un peu. Donc je téléphone à mes parents pour les rassurer de vive voix que tout va bien. Donc mon père me fait, bon, t'es où? Bah, je dis, je suis à Lima. Oh, il me dit, c'est merveilleux quand même, c'est fabuleux. T'es arrivé, je dis pas encore, j'ai encore un peu de chemin. Mais là, je m'arrêtais quelques temps à Lima, donc je voulais pas dire que j'étais fatigué, mais j'étais épuisé en réalité. J'étais exténué. Et il me dit, bon, écoute, tu sais quoi, téléphone à ton copain parce que il nous casse un peu les pieds. Je dis, comment ça? Il dit, parce qu'il appelle souvent savoir... Kessel, si... du coup. Ouais. C'est ça. Il dit, parce qu'il appelle souvent savoir si on a des nouvelles. Ben, je dis, écoute, je lui envoie des lettres, les mêmes lettres que je vous envoie à vous, à maman et à toi, bah je lui envoie des lettres à peu près identiques. Il voulait quand même en savoir plus. Voilà. Donc il me dit, appelle-le. Donc je l'appelle en PCV, hein, s'il vous plaît. En PCV, ouais. Donc il me dit, ah, enfin, tu donnes des nouvelles. Bah, je dis, Jeff, je comprends pas, tu reçois pas mes lettres. Je dis, mais si, mais tu pourrais téléphoner. Bah, je dis, bah voilà, c'est fait. Il dit, bon, raconte, t'es où? Bah, je dis, je suis à Lima. Bah, c'est bien, il me dit, t'es presque arrivé. Je dis, ouais, mais je veux m'arrêter. Je dis, bon, si je te dis quelque chose, tu promets, tu dis rien à mes parents. Il dit, vas-y, dis toujours. Bah, je dis, je suis très fatigué. Mais fatigué comment? Je dis fatigué, exténué. Il me dit, tu veux arrêter? Je fais, fatigue non. Physique. Ouais, physique, épuisant. C'était trop épuisant. Puis j'avais 20 ans, quoi, c'était pas beaucoup quand même. Et il me dit, tu veux arrêter? Je dis, non, je veux pas arrêter. Je veux m'arrêter à Lima quelques temps. Combien de temps? Je sais pas, quelques semaines, un mois, deux mois, je sais pas. Il me dit, t'es où à Lima? Bah, je lui dis, comment ça? Je suis où? Je vis dans un boui-boui où j'ai une chambre. Il y a des cafards qui sont gros comme des chars d'assaut. Il me dit, mais c'est où? Bah, je dis, ça va t'avancer à quoi d'avoir l'adresse? Parce qu'il avait des amis là-bas, justement? Non, pas du tout. Il me dit, rappelle-moi demain, exactement à la même heure. Non, je le rappelle le lendemain. Je fais, bon, tu m'as demandé de te rappeler, mais il dit, tu veux quoi? Je comprends pas ce que tu veux. Il me dit, c'est où? Tu habites où, Lima? Bah, je dis, j'habite à un bazar qui s'appelle comme. Je donne le nom de l'hôtel, admettons que ça soit un hôtel. On va dire hôtel, pour faire court. Et il me dit, bon, je prends un billet d'avion et j'arrive. Et il est venu vous rejoindre à Lima? Il est venu me rejoindre à Lima, on a passé un mois ensemble. À Lima. Et donc, je vais le chercher à l'aéroport. Et je dis, bon, j'y viens, viens, je vais te présenter à mes potes. Et je dis, parce que t'as des potes ici, toi. Je dis, ouais, j'ai des potes. Il en a partout, ouais. Ouais. Dans chaque pays, un ami. Non, moi, c'est moi. Moi, je lui disais, je vais te présenter à mes potes. Il me dit, t'as des potes ici, toi. Je dis, ouais, j'ai plein de potes, je viens. Il me dit, posez ma valise, c'est possible. Et sa valise, c'était la même tout le temps. Oui. Depuis toujours, depuis des décennies. C'était la même valise avec des étiquettes partout. Et dedans, il y avait des gris-gris parce qu'il était très fétichiste. Oui, il avait une petite mallette verte, je crois, dans laquelle il gardait le portrait de sa première femme, Sandy, notamment. Et puis des gris-gris, des machins, des photos, etc. Il me dit, posez la valise, c'est possible. Je dis, ouais, on va aller. Mais je lui dis, ça va pas te plaire, hein, toi qui es habitué quand même à des beaux hôtels. Il dit, t'inquiète pas, mon gars, tout va bien. Bon, je l'emmène, on lui prend une chambre dans le même endroit où j'étais. Et je lui dis, bon, viens, je vais te faire visiter la ville. Mais il me dit, je croyais que tu étais fatigué. Je lui dis, non, mais ça va mieux, tout va bien. Voilà. Oui. Donc, et puis on a passé un mois à Lima, tous les deux. Et ben, assez extraordinaire. Ouais. Mais nous allons rester avec Kessel et nous allons rester dans le voyage aussi, parce que nous allons partir du côté des Tziganes, en écoutant notamment Les Sapins dans le Vent, puis nous flamberons en écoutant Gary Gary. Раскачалася, гамарили божу чай, разгулялася, дали, и ла-ла-лай, ай-ла-лей-ле-лей, гамарили божу чай, разгулялася, дали-ла-ли-ле-лей, ла-ла-ли-ла, гамарили божу чай, разгулялась. Мы породу камерди, это майте, Les mots à la bouche. Vous êtes toujours sur Webset Radio en compagnie des mots à la bouche et en compagnie d'Hubert Boukara, notre invité. Nous venons d'écouter des chants de Tziganes, issus d'un vinyle qui a été dirigé, dont le choix a été fait par Kessel lui-même. Je vous dis juste ces quelques lignes tirées de son recueil des hommes par rapport à la musique tzigane. Écoutez Volodia, écoutez Valia, écoutez bien ce tzigane, cette tzigane. Il le mérite bien et vous allez savoir pourquoi. Eh bien j'espère, chers auditeurs, que vous savez maintenant pourquoi. Et après avoir voyagé du côté de chez Kessel avec Hubert, nous allons partir du côté de chez Romain Gary. Et notre ami Grégoire de Rugy de la revue Limite va nous en faire une petite présentation. Oui, merci Yves. Nous venons d'entendre le chant des tziganes. Gary, Gary, s'époumonne-t-il. Non, il ne chante pas les louanges du héros de cette chronique, c'est plutôt l'inverse. Si Romain a choisi le pseudonyme de Gary, c'est pour répondre au sens original de cette injonction. En russe, Gary signifie « brûle » à l'impératif, car l'auteur français, né en Lituanie en 1914, sous le nom de Romain Cassiou, n'a cessé sa vie durant de jouer avec le feu. Après s'être affublé un temps du pseudonyme de Lucien Brûlard, il construira son double sous le nom d'Émile Ajar. Et Ajar, en russe, veut dire la braise. La braise qui est ici beaucoup plus caucasienne qu'armoricaine. Oui, le feu anime toute sa vie. Entretenant obstinément le mystère autour de sa biographie, il pratique la politique de la terre brûlée. Orphelin de père, il prétend et convainc ses camarades de classe qu'il est le fils du plus grand acteur russe de l'époque. Premier enfumage qui en annonce de bien plus spectaculaire. Bien plus tard, en 1975, alors que la critique boude un Gary goncourisé 20 ans auparavant et totalement ringardisé, un inconnu, Émile Ajar, obtient le prix Goncourt pour La vie devant soi. Personne n'a dévoilé le véritable auteur, à savoir Romain Gary, la critique n'y a vu que du feu. En principe, l'Académie Goncourt ne peut décerner ses lauriers deux fois à un même auteur. En principe, avec Gary alias Ajar, la règle fait long feu. Le subterfuge est révélé 5 ans plus tard, car un 2 décembre, jour incandescent s'il en est, retentit dans un appartement parisien la détonation d'un Smith & Wesson. Pour Gary, son dernier coup de feu. Merci beaucoup Grégoire, merci. Parce que Hubert Gary, justement, vous l'avez connu, vous m'avez parlé notamment de dîner à cette époque-là, il habitait rue du Bac avec Jean Seberg, qui a été sa seconde femme, et vous avez dîné chez lui. On a passé, oui, quelques soirées, et la première fois, moi, j'étais enchanté, ravi, je me dis, je vais rencontrer Romain Gary, je vais voir Jean Seberg. La sublime Jean Seberg, je vois que Théo a les yeux qui brillent. Voilà, donc... avec Jeff, avec d'autres, donc on va se dîner rue du Bac, avec dans une grande tablée, et Gary était un curieux personnage. Oui, il avait, un affabulateur magnifique, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas que, mais il était physiquement présent, et parfois il n'était plus là. Physiquement, il était là, mais oui. Il n'était plus là. C'est-à-dire qu'il pensait à autre chose, il était dans le vague. Moi j'avais un peu remarqué ça une fois, j'avais fait un signe, à Jeff qui, lui, me fait un signe de me taire, de rien dire. Puis d'un seul coup, Gary réapparaît. Oui. Voilà. Il était un peu énigmatique. Et avec une voix, avec sa voix un peu rauque. Mais c'était un personnage extraordinaire. Après, bon, la fabulation, la mystification, avant Ajar, il y en avait eu d'autres. Oui, bien sûr. Ouais. Mais Ajar, en tout cas, ça a été une Alors, chose Ajar, assez extraordinaire. C'est le plus connu, ouais. c'est le coup de maître. Bon mais ouais. En 58, il a un autre pseudo. C'est ouais. Fosco Sinibaldi. Oui. Il écrit L'homme à la colombe. Oui. Et puis un moins connu encore. C'est sur l'ONU, non? Ou les Nations Unies, je c'est crois. C'est une parodie très acerbe, très moqueuse de l'ONU. Comme il a été fortement déçu, je crois, au moment où il était. Et l'ambassadeur de France, à l'époque, lui était consul de France en Californie. Ouais. Et l'ambassadeur, qui était son supérieur hiérarchique, lui dit t'as un devoir de réserve, je te conseillerais de. Et il l'a transgressé, mais en prenant un pseudonyme. De prendre un pseudonyme, voilà. Mais après, en 60. J'ai plus la date exacte, 73 je crois, ou 74. C'est 74, c'est Gros Câlin, c'est le premier Ajar. Oui. Mais avant le premier Ajar, il y avait les Têtes de Stéphanie. Et là, il a encore un autre pseudo, c'est Chatan Bogat. D'accord. Voilà. Donc après, dans le genre mystificateur et pseudonyme à tout va, c'est pas le pire. Oh, c'est... sûrement. Voilà. Sûrement, non, il y a pire. Ouais. Georges Simenon, on a recensé une quarantaine de pseudonymes. Ouais. Frédéric Dard, San Antonio, ouais. On a recensé 40-50 ouais. pseudonymes. Ouais. Donc voilà, même Balzac avait des pseudonymes. Oui, oui, oui. Et alors, Grégoire, il y a une chose assez intéressante justement avec l'œuvre de Gary. Lorsque lui-même parle des racines du ciel, il dit, je cite, « C'est historiquement le premier roman écologique ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ouais. Oui, alors pour réexpliquer les racines du ciel, en fait, ça explique l'histoire, ça raconte l'histoire d'un certain Morel qui est un idéaliste qui parcourt l'Afrique et en fait il défend les éléphants. En fait, les éléphants, tout le monde s'en fout, parce que c'est dans un contexte de guerre coloniale, donc chacun en fait veut son bout de territoire. Enfin, c'est pendant la décolonisation et en fait chacun se bat pour des parcelles et en fait il y a un idéaliste un peu fou qui se défend pour les éléphants, Morel. Et en fait c'est une fable, en gros ce très très beau roman qui a eu le Goncourt en 1957. Oui. Navré pour cette erreur. Vous avez une encyclopédie vivante avec. pas droit à l'erreur. En fait, c'est une fable en fait, qui s'applique très bien aujourd'hui. C'est dans le sens où il peut y avoir des combats politiques qui occupent tout le monde, mais les vrais combats, en fait, ce qui fait l'humanité et puis ce qui peut faire notre richesse humaine, ça va être les éléphants, ça va être notre biodiversité, le mot est un peu galvaudé, mais ça va être voilà, notre nature humaine. Donc pendant que tout le monde s'essouffle à des combats vains, il reste quelqu'un pour se battre pour les vrais combats. Donc voilà, les racines du ciel, c'est un vrai combat écologiste, c'est un peu c'est un Don Quichotte modernisé. Oui. Et est-ce qu'il parle un petit peu de ces sujets justement dans un roman que vous avez juste devant vous, qui est Charge d'âme? Alors en fait, Romain Gary, il y a deux romans, Charge d'âme et La tête coupable, où il fait une condamnation de ce qu'on peut appeler la technolatrie. En fait, c'est deux romans qui sont technocritiques. Ouais. C'est assez peu étudiant dans l'œuvre de Gary. Là, il rejoint Bernanos, là. Par exemple. Complètement. En fait, c'est un peu la France contre les robots, mais pas du tout amené d'une manière docte, avec la puissance intellectuelle et philosophique, oui, de Bernanos. Ça va être sur le thème de la fiction, mais en fait, Gary, il va peindre des personnages qui se battent désespérément pour l'âme humaine. En fait, ce qui reste de l'âme, oui, alors qu'on est dans un contexte non seulement de l'atome, enfin de la bombe atomique, et aussi des grandes idéologies. On est dans les années 70, et en fait, il va dire que voilà, alors que les grandes puissances se battent pour l'atome et les idéologies, il y en a encore quelques résistants qui se battent pour l'âme. Et en fait, c'est contre la technique et les idéologies, certains se dressent. Donc voilà, en soi, c'est un des premiers écologistes, parce que face au combat qui peut paraître vain, il arrive avec une défense de l'homme dans son âme et dans sa version spirituelle. Oui. Et dans La tête coupable, le personnage de Cohn, oui, qui s'appelle pas Cohn en réalité, évidemment, parce que c'est un ingénieur atomiste. Mmh. Henri Mathieu. Oui, Henri Mathieu. Donc il décide de s'appeler Cohn à la mémoire du premier Cohn. Tout à fait. Dans La danse de Genghis Khan. Exactement. Donc, voilà. Et donc, c'est un livre magnifique. En fait, c'est une trilogie. C'est qu'il y a une trilogie, oui, avec Frère Ganarelle. Qui s'appelle Frère Océan. Frère Océan. Frère Océan. Alors, Ponce Ganarelle est un peu plus compliqué parce que c'est un essai sur la littérature. Oui, c'est ça. C'est une théorie, ouais, sur le roman. Hein, c'est ça. Ouais, c'est assez ça. Épais, 600 ouais. pages. C'est, ouais, c'est un gros livre qui est un peu fastidieux à lire. Oui, c'est un peu dégoûtant. Mais La danse de Genghis Khan et La tête coupable, ouais, c'est peut-être, sans doute, les livres les plus drôles de Gary. Oui, ouais. Les plus drôles. Nous allons faire une petite pause, Hubert, parce que nous allons quitter le domaine du roman et nous allons aller dans celui de la poésie. Vous le savez, les mots à la bouche aiment la poésie et nous avons notamment un poète sur le plateau qui est Théo. Et il m'a demandé si nous pouvions faire une petite lecture commune d'un poète russe, pour rester dans la Russie, qui est le très grand Vladimir Mayakovsky. Vous pensez que divague la malaria ? C'est arrivé, vraiment, à Odessa. Je viendrai à 4 heures, avait dit Marie. 8, 9, 10 heures. Et voici que le soir, pour l'angoisse nocturne, s'éloigne des fenêtres, assombrie, des cendrales. Les candélabres sont hilares et hennissent dans mon dos décrépit. On ne pourrait à cette heure me reconnaître, masse noueuse énorme qui gémit, se convulse. Cette masse, que peut-elle désirer ? Tant de choses pourtant. Il importe peu que l'on soit de bronze, que l'on ait pour cœur un morceau de fer. La nuit, on voudrait enfouir son propre tintement dans du tendre, du féminin. Et me voilà, énorme. Je marque bout à la fenêtre, sous mon front je fais fondre la vitre. L'amour, oui ou non, viendra-t-il ? Et quel amour ? Grand ou minuscule ? D'où vient un grand amour ? Dans un tel corps ? Ce devrait être une amourette tranquille, au klaxon des autos qui la secouent, elle préfère le grelot des petites rames. Encore et toujours, plantant mon visage dans celui grêlé de la pluie, j'attends, éclaboussé par le fracas du flot urbain. Et minuit, l'égorgeur, brandissant son couteau, me poursuit, me rattrape. Qu'on en finisse ! Et la 12e heure est tombée, comme du billot, la tête du condamné. Sur les vitres, les gouttes de pluie grise grincent à l'unisson, entrelacent les grimaces comme si hurlaient les gargouilles de Notre-Dame de Paris. Maudite, quoi, cela ne suffit pas ? Bientôt, ma bouche va se déchirer de cris. J'entends, que sans aucun bruit, un air a bondi, comme un malade hors de son lit. Voilà qu'il risque un pas, tout doux, et puis il se met à courir, inquiet, précis. Et maintenant deux autres avec lui mènent effrénés une danse de claquettes. À l'étage au-dessous, le plâtre craque. Les nerfs, grands, petits, une ribambelle, galopent, frénétiques, et déjà titubent sur leurs jambes. Et la nuit envahit la chambre d'une vase dont l'œil enlisé ne peut s'arracher. Les portes ont battu soudain, comme si l'autel claquait des dents. Tu es entré brusque comme un voilà. Triturant le dind de tes gants, tu as dit « Vous savez, je me marie. » « Eh bien quoi, mariez-vous, bagatelle, je saurais tenir le coup. Regardez, je suis calme, calme comme le pouls d'un mort. Vous souvenez-vous, vous disiez « Jack London, argent, amour, passion. » Et moi, je ne voyais que cela. Vous étiez la Joconde qu'il fallait voler. Et que l'on a volé. » Encore une fois, amoureux, je jouerai le jeu. Illuminant de feu l'arc des sourcils. Eh bien quoi ? Même dans une maison qui a brûlé, il arrive à des vagabonds de survivre. Vous provoquez ? Vous avez moins d'émeraudes d'aimance qu'un mendiant n'a de menu monnaie. Souvenez-vous, Pompéi a péri quand on hérita le Vésuve. Hola, messieurs, amateurs de sacrilèges, de crimes et de massacres, avez-vous vu chose plus terrible que mon visage lorsque je suis, moi, d'un calme absolu ? Et je sens que moi, pour moi, c'est trop peu. Obstinément, quelqu'un cherche à s'en échapper. Allô ? Qui parle ? Maman ? Maman ! Votre fils est fabuleusement malade. Maman ! Il a un incendie au cœur. Dites à mes sœurs, Liuda et Olia, qu'il ne sait plus où se fourrer. Chaque mot, serait-ce même une plaisanterie qui l'éructe la bouche en feu et chassée nue comme une prostituée hors d'un lupanar en flamme. Les gens reniflent. Ça sent le brûler. On va au-devant de ceux qui accourent, étincelants, casqués. Inutiles les grandes bottes. Dites aux pompiers que dans un cœur en feu, on grimpe chaussé de caresses. Moi-même, au dehors, je roulerai les tonneaux de mes yeux remplis de larmes. Laissez-moi prendre appui sur mes côtes. Je vais sauter, sauter, sauter. Tout s'écroule. On ne saute pas hors du cœur. Sur le visage calciné, grandit et bondit par la lézarde des lèvres, un petit baiser carbonisé. Maman, je ne peux pas chanter dans la chapelle du cœur, le lutrin est en feu. Des silhouettes noircies de chiffres et de mots s'extirpent du crâne, comme les enfants fuient un édifice en flammes. C'est ainsi que la panique brandissait, tentant de s'accrocher au ciel, les bras flambants du Lusitania. Vers les gens qui tremblent d'effroi dans la quiétude du logis, la lueur au sentieux des amarres. Mon dernier cri, toi au moins clame à la face des siècles que je brûle. Merci Théo. Mayakovsky, ouais. Donc ça c'est la première partie du Nuage en pantalon qui est un des titres phares du futurisme notamment. Nous allons revenir, mon cher Hubert, à Gary. Il y a une chose assez importante dans son œuvre, je pense que Grégoire pourra m'éclairer également, c'est la notion de féminité. Je cite Gary notamment dans La nuit sera calme, il dit « Un homme qui n'a pas en lui une part de féminité, ne serait-ce que comme un état de manque ». D'aspiration, c'est une demi-portion. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on dit civilisation, c'est une certaine douceur, une certaine tendresse maternelle. Et ça, c'est extrêmement présent dans son œuvre, cette tendresse, cette féminité. La tendresse, la féminité, puis surtout la séduction aussi, surtout oui. Quand même. Ouais. Vous pensez à Gene Seberg là ou pas? Parce que c'était un homme à femme, Gary? Oui, c'est un homme à femme et puis qui avait surtout des traumatismes, pas des traumatismes, mais qui avait peur. Qui avait peur de perdre tout ça. Donc il l'écrit admirablement bien dans Au-delà de cette limite, votre ticket. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Là, il écrit c'est la peur du déclin sexuel. Voilà, ouais. La peur de la perte de la virilité, etc. Et là, il écrit admirablement bien. Ce qui est assez amusant, c'est que suite à ce bouquin, énormément de femmes ont tenté de l'approcher en se disant « Malheur, Gary a perdu toute sa virilité, mais moi seul, évidemment, je pourrais la lui faire retrouver. » Et ça fait partie de ces légendes qui accompagnaient Gary. C'est ce que me rappelait Grégoire avant l'émission, c'est qu'il a eu une légende d'alcoolique aussi. Tout comme Kiesel a pu l'avoir, alors que lui-même disait qu'il avait une phobie de l'alcool. Et il buvait pas. Il buvait un doigt de vin par politesse, mais pas plus. Il buvait pas, non. À l'inverse de Kessel, oui. À l'inverse de Kessel, de René Fallet, de Antoine Blondin, Alphonse Boudard, oui. Des gens qui buvaient. En revanche, il y a une chose qui a réuni Kessel et Gary, c'est qu'évidemment, ils étaient tous les deux d'origine russe, ils parlaient le russe, ils avaient un attachement très, très profond. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, qu'ils sont de très grands romanciers, parce qu'ils ont su être de très grands conteurs. Mais au-delà de ça, ils se sont tous les deux battus dans l'aviation. Et durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été extrêmement attachés au général de Gaulle. Très. Kessel a des phrases très très fortes, justement, par rapport à de Gaulle. Mais aussi Gary, qui dit « D'ailleurs, d'une certaine façon, je peux dire que ma mère était le premier général de Gaulle que j'ai rencontré. » C'est assez intéressant, justement, ce lien à la féminité. Et puis à de Gaulle, qui l'a vraiment remarqué. Il aurait voulu être plus proche de de Gaulle. Mais au départ, de Gaulle, on ne voulait pas trop. Oui. Bon, on n'en voulait pas. Puis finalement, ça s'est fait. À la mort de Gaulle, Gary a revêtu son uniforme, mais avec un peu de mal, parce qu'il avait pris l'embonpoint. Oui. Donc, il était un peu coincé dans son costume de militaire. Mm. Mais il était quand même aux obsèques de Gaulle. Mais ils étaient très proches. Puis la guerre a beaucoup rapproché Kessel et Gary, bien sûr. Oui, ils se sont connus à ce moment-là ? Non, ils se sont connus même avant. Même avant, ils s'étaient connus. Mais la guerre les a beaucoup rapprochés, puis ils ont un parcours qui est assez, assez parallèle. Assez similaire, les origines, juifs tous les deux, l'un russe, l'autre lituanien, mais à l'époque, la Lituanie faisait partie de l'Empire russe. Bon, l'aviation, voilà. Évidemment. Alors l'aviation, l'écriture, l'attachement à la France. Très fort, oui. Très fort. Très, très fort. Oui, bien sûr, très fort. Donc, oui, ils étaient très proches. À la mort de Jeff, le 23 juillet 79, Gary a pleuré pendant une semaine. Donc, c'était quelque chose qui l'avait beaucoup, beaucoup affecté. Après, c'était pas non plus la raison de son suicide. Hein. Oui, parce que Gary est mort en 80 par suicide. Et Jean Seberg a été retrouvée morte dans sa voiture en 79. Et Gary avait laissé un mot, rien à voir avec Jean. Oui. Voilà. Mais le suicide de Gary, a priori, comme ça, on peut penser que c'est la peur de la vieillesse. C'était obsessionnel. La peur de la vieillesse, donc bon, je pense qu'il ne voulait pas vieillir. Voilà, simplement. Hein. Après, bon, c'est un choix. Merci beaucoup, en tout cas, Hubert, d'être venu sur ce plateau, avec tous ces souvenirs qui sont absolument splendides. Je voulais avoir un petit mot, qui sont de Kessel, donc revenir à l'essence même de cette émission. Kessel, à qui, je pense, ce soir, je peux être capable de jurer allégeance, après avoir tout ce que j'ai pu lire et voir dessus, puis après avoir rencontré vous-même, monsieur Hubert Boukara. C'est quelques mots que j'ai pu noter dans « Amis, entends-tu » et qui sont les suivants. Alors, il se récita des vers de Lermontov, pleins de soleil, de liesse molle et de volupté. Les heures coulèrent sans heurts parmi les rêveries. Merci beaucoup, Robin. Merci. Et mes amis, les mots à la bouche. Mes amis, les mots à la bouche se terminent toujours trop tôt, alors que nous n'avons même pas eu le temps de passer au digestif. Il va nous falloir encore revenir à l'eau plate du quotidien. Mais avant ça, je rappelle le nom de notre libraire, Hubert Boukara, de la Rose Java, qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris, rue Campagne Première. Un grand merci, cher Hubert, d'être venu vous prêter au grand jeu des mots à la bouche. Et je remercie également Grégoire de Rugy. Merci. Je remercie également Grégoire de Rugy, de la revue Limite, d'être venu nous parler de sa passion pour Romain Gary. Un grand merci à Juan Belleville, également notre nouveau réalisateur. Donc c'était la première ce soir, mais également au public, venus nombreux. Et quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission des mots à la bouche. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, kesséliennes évidemment. Oui, monsieur, les princes de la cuite, les seigneurs, ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part, eux, ils tutoient les anges. Les mots à la bouche.